Je vais long comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittas, tu, tu quittas. Regarde qui tu dis, quitta. Je veux long comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittas, tu, tu quittas. Elle a le regard qui tu dis, quitta. Je veux long comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittas, tu quittas. Tu quittas, tu quittas. Tu quittas, tu quittas. Tu quittas, tu quittas. Fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're. Fucking happy you're alive. Yeah. Swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride, yeah. My hands on your body, I don't wanna waste your time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me, waste this night away with me, yeah. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride, yeah. My hands on your body, I don't wanna waste your time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me, waste this night away with me, yeah. Bon bah je pense qu'on est prêt là. Bienvenue sur Énergie. Comme dans la voiture, on fait un petit check ce matin. Voilà, la table de mixage elle est branchée, le micro il est allumé et le casque aussi. C'est bon, on est parti. Allez, soyez les bienvenus pour une nouvelle journée qu'on va passer ensemble sur Énergie, comme chaque matin pendant les vacances. C'est Dylan avec vous. J'ai le plaisir, moi, de vous sortir du lit pendant ces deux semaines de vacances. Marco, Frisco et Jérém, eux, eh ben, ils sont pour le moment en mode grasse mat et ils le méritent d'ailleurs. C'est donc le 6-9 des vacances jusqu'à leur retour le 7 janvier à l'antenne. D'ici là, bien, on va bien se faire plaisir, évidemment, tous ensemble. En ce 26 décembre, reprise peut-être là pour la plupart d'entre vous. Une semaine de boulot qui démarre un mercredi. Franchement, c'est pas mal. Quand même, hein. On va se motiver quand même tous ensemble évidemment ce matin avec la playlist Énergie et alors du très très bon pour se mettre déjà dans l'ambiance et se réchauffer aussi ce matin, c'est vrai. Moins 2 degrés, dans la majeure partie du pays. On va gratter le pare-brise, on va monter le chauffage à fond et le son aussi de la radio. Voici pour vous les trois premiers hits de la journée. David Guetta, c'est le nouveau. Jason Derulo aussi. Et Lady Gaga avec Bradley Cooper maintenant sur Énergie. Soyez les bienvenus. C'est le 6-9 des vacances sur Énergie. En période de gel, j'en profite pour dégivrer mon congèle. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. amigo que soy de Chichiti. Parlez-vous français? Oui, oui, oui. Estás conmigo. Say my name if you love me. Let avec vous en direct dans le 6-9 des vacances. Bon réveil, bonne journée avec nous. Il est 6h10, vous êtes sur Énergie avec un énorme classique dans un instant. J'ai été vérifié sur internet, le hit date de 2001. Il a donc 17 ans, j'adore. Ah, ça va faire plaisir de le réécouter ce matin. Dante Thomas, c'était bon ça quand même. Miss California. Faites-le aussi dans la voiture dans quelques instants, je vais vous le passer. Pas mal d'autres surprises dans la playlist Énergie ce matin. Dean Lewis et elle a fait sensation il y a quelques jours au Jingle Bell Ball. C'est un concert organisé chaque année en décembre par une station de radio Capital FM. C'est la plus grosse en Angleterre. C'était à l'O2 Arena. Voici Zara Larsson sur Énergie. I miss you, pushing me close to the edge. I miss you. I wish I knew what I had when I left. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone and I'm starting to freeze. Baby, come bring me hell, let it rain over me. Baby, come back to me. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life, yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Checking out this young lady right here. Baby, you hot. That's where I saw her. I mean, you sexy. Oh my God. I learned to love her. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Drives a Marinello. Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded. Girl from the top of the food chain, loving material things, kinda lonely. Till I met her at the Grammys, 10 mil on a diamond ring. She invites me to spend a day on the jet skis. At first it didn't mean a thing, then she told me I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She's from California, hottest thing in West LA. House down by the water, sells her yacht across the bay. Loves to be surrounded. Superstars that know her name. In a couple of days, she had had me a bracelet made from Harry Winston's place. Went horseback up to the mountaintop, showing me the land she's got. Well, it's alright, something else is on your mind. Looking past all that shines, now the tears are running too. All those things are nice, but it's not why I'm here. I will wipe away your tears simply by just loving you. She's Miss California, hottest thing in West LA. House down by the water, sails a yacht across the bay. Drives a Maranello, Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded with superstars that know her name. She's Miss California, hottest thing in West LA. House down by the water, sails a yacht across the bay. And there you have it. I mean, she just loved the way I do my bling bling. From the ghetto to Beverly Hills, baby. Now I want everybody in the dance floor to just shake it. I mean, I want you to get down, 'cause we hot tonight, baby. We on fire. Now tell these cats where you're from. She's Miss California, hottest thing in West LA. Prize up in here. We got Dante up in here. And it's on like that. That's right. Now all you cats that's talking at Jabrizi, please stop it, man. We can't take it no more. Now tell them cats where you from, baby. Come on, let them know. She's Miss California. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Past like time, and they can't steal the love you're born to find.

sommes là bien en poste chaque matin. Et non, nous n'avons pas perdu un pari. Oui, c'est ça. Non, et quel plaisir, franchement, Yannick, d'être là chaque matin. Évidemment. Il ment bien, le Yannick, c'est bien. Allons-y pour la météo très très froide. On sent la différence depuis le réveillon, ouais, Yannick. Après la dissipation de la grisaille ce matin, le temps sera plutôt calme et ensoleillé, bizarrement. Dans le courant de la journée, des nuages se feront un peu plus nombreux. Les maxima aujourd'hui compris entre 1 et 5 degrés. Allez, courage si vous partez bosser pour tous les courageux, du 26 décembre. Il est 6h31 et voici l'actu de ce mercredi avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Dylan et bonjour à tous. 28 personnes ont été blessées lors d'un accident de téléphérique en Colombie. Des Belges sont concernés. Une cabine du téléphérique a percuté une plateforme, selon les pompiers de Bogota. La cause de l'accident est inconnue. Il s'agit du téléphérique de la montagne Monserrate. Trois Allemands ainsi que des Belges, des Brésiliens, des Anglais et Américains font partie des blessés. De nouvelles manifestations sont prévues par les Gilets jaunes samedi prochain. Il s'agira de la 5e semaine consécutive que les Gilets jaunes se réunissent. Bruxelles devrait encore être concernée. D'autres Gilets jaunes annoncent quant à eux leur volonté de manifester dans les rues de Namur. Les organisateurs de la manifestation ne semblent cependant pas vouloir indiquer le lieu et l'heure du rassemblement. Le roi Philippe a accordé la grâce à 13 reprises durant l'année écoulée, soit deux fois plus que l'année précédente. Selon le ministre de la Justice, Koen Gaens, environ 500 demandes sont parvenues au roi. Le roi gracie certaines personnes condamnées devant la justice, sur avis évidemment du ministre de la Justice. Souvent, il s'agit de simples infractions routières. Aux États-Unis, c'est toujours le blocage pour les administrations. Le président américain Donald Trump a d'ailleurs campé sur ses positions. Il a déclaré ne pas voir d'issue possible au shutdown si ce n'est la construction de son mur à la frontière mexicaine. Les démocrates s'opposent toujours à ce mur promis par Donald Trump durant sa campagne présidentielle. Les démocrates l'ont accusé de plonger le pays dans le chaos. Enfin, en football, Raja Nainggolan manquera le choc de ce soir contre Naples. Il a été temporairement suspendu pour raisons disciplinaires par son club, l'Inter de Milan. Selon les médias italiens, les dirigeants de l'Inter ont voulu sévir après plusieurs retards de Nainggolan à l'entraînement. Mais des journalistes italiens énoncent une autre raison. Raja Nainggolan aurait été en discothèque après le partage face au Chievo Vérone. Il se serait retrouvé face au noyau dur de l'Inter Milan et le ton serait monté. Une situation qui n'aurait pas plu à la direction de l'Inter. Très bien, prochain point sur l'actu, ce sera dans une demi-heure à 7h. On entend ou pas que je termine mon pain au chocolat? Ouais, c'est ça, il est en train de manger. Ouais. Tu peux, bon appétit. Si vous êtes en train de déjeuner, voici Marshmello pour vous sur Énergie. En période de gel, j'en profite pour dégivrer mon congèle. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wedges like he came from Maytag. Rock a wrist on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. 'Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. 'Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow. For the taking, I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the doze. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new bae. New bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, where is it on brown liquor? I probably shouldn't be around you. 'Cause you get wild, wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do? Hey girl, that's when I told you. I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild, wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Yeah. everything. Mama said, don't give up. It's a little complicated. All tied up, no more love.

t'attends, dja dja, genre encore t'en as, baby, tu donnes ça. Oh dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Tu pas ta cata, dja dja, genre encore t'en as, baby, tu donnes ça. Oh dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Tu pas ta cata, dja dja, genre encore t'en as, baby, tu donnes ça. Oh dja dja, tu pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En cas de chanel, baby, tu dettes ça. Yeah. Oh, dja dja. Tu pas ta carte, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En cas de chanel, baby, tu dettes ça. D'après toi. Allez, merci d'être avec nous sur Énergie, 6h57. Un Belge sur 5 mécontent de son cadeau de Noël. Est-ce que c'était le cas d'Aya Nakamura? Je ne sais pas. En tout cas, je suis le seul à savoir ce qu'elle a reçu pour Noël. Elle a reçu un parfum. Un parfum qui s'appelle... L'eau dja dja. C'était nul, non? T'as pas compris? C'était nul. Si, l'eau dja dja. L'eau dja dja. Alors, genre... juste quand quelqu'un raconte sa blague, c'est encore pire. C'est pas vrai, elle était bien, franchement. DJ Snake, on va l'écouter dans un instant. Taki Taki sur Énergie. Et puis les news aussi à 7h. Et sois gentil avec moi, Yannick, parce que sinon c'est moi qui fais les infos. Ok, vas-y. Je t'en prie. Je prends le salaire avec. Tu crois quoi? Ah, l'hiver. Rien de plus magique qu'un sapin de Noël joliment illuminé. Wow. Sauf peut-être les feux full LED de votre nouvel Opel. Wow. Alors profitez dès maintenant de conditions salon sur toute la gamme Opel lors des deals d'hiver Opel. Surfez vite sur opel.be. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche llego a hacerme con el parque. De noche me flauco como Yandel. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. La Hindi Mashup. Bogotá para rumbear y Boga para danzar. No llego todo ya. Quiero el ritmo sin leer. Papi, pula, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Mami, yo sé que quieres vacilar con tus amigas en el bar. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Que lo ve. 1, 2, 3, go. Ces odeurs en studio, tu t'es parfumé de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu des parfums au cadeau de Noël, Yannick, à la Rédac? Mais je ne sais pas. Moi, je sens rien. Il y a une odeur. Si, c'est quoi? C'est au Javel. C'est au Javel pour homme. Ça, il est bienvenu sur Énergie. Il est 7h et quasiment une minute. C'est le 6-9 des vacances. Période de gel. J'en profite pour dégivrer mon congèle. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. Ah, si on n'allume pas son micro, c'est compliqué. Pour faire de la radio, faut l'allumer, ouais, c'est ça. Et Chiran, donc DJ Snake, avant ça, on fait un point météo, s'il te plaît. Après la dissipation de la grisaille ce matin, le temps sera plus calme et ensoleillé. Dans le courant de la journée, des nuages se feront un peu plus nombreux. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés.

I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. Be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Outside, it may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling. See? reach out and tell me that you care. I'm finally sober, I see the light. The worst is over, nobody died. I'm still trying. Allez, bonne matinée, bon réveil tout le monde. Merci d'avoir choisi Énergie en ce milieu de semaine. C'est le 26 décembre, on écoute Major Lazer dans un instant. Énergie. Infotrafic. Et là, on prend 30 secondes pour faire le point sur vos conditions de circulation. Ça bloque apparemment près de la frontière française du côté de Tournai. Bah oui, on signale un accident. La voie de droite est bloquée sur la E429 de Tournai en direction de Bruxelles. On signale également un obstacle encombrant sur une partie de la chaussée sur la E403 de Courtrai en direction de Tournai à Estaing-Puy précisément. Allez, soyez prudents, soyez patients aussi avec nous. C'est Énergie ce matin. Life potions. Close my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Close my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Keys to heaven now, bays all around and they got my mind spinning.

Allez, on se frotte les yeux, on termine le petit cook et la tasse de café. Et on va gratter le pare-brise certainement aujourd'hui, ce qui est encore des températures négatives pour l'après-midi, non, je pense. Non, pour aujourd'hui, ça va. Après, il fait juste un petit peu gris ce matin, mais après, le temps sera plutôt calme et ensoleillé. Dans le courant de la journée, quelques petits nuages apparaîtront. Les maxima seront compris aujourd'hui entre 1 et 5 degrés. Parfait. Allons-y pour l'actualité, le débrief. Mercredi 26 décembre, 7h30, tout pile, avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Dylan, bonjour à tous. Chaque année, en cette période, certains n'hésitent pas déjà à revendre leurs cadeaux de Noël. Certains déçus remettent en vente leurs paquets sur le web. Sur eBay, ils sont déjà 17% de plus que l'année dernière. On parle de 500 000 annonces, plus ou moins. Il y a quelques bonnes affaires, puisque le Samsung Galaxy S8 est très présent sur les sites de revente. 42% des revendeurs gardent l'argent quand 35% les réinvestissent dans un autre cadeau. Le système des allocations familiales va changer en Wallonie et à Bruxelles dès le 1er janvier 2019. Ce seront les régions et non plus le fédéral qui géreront les allocations. C'est donc le domicile de l'enfant qui déterminera le montant de l'allocation. D'après les autorités, le système sera plus transparent et plus juste. La Wallonie a réussi à attirer plus d'1 milliard d'investissements étrangers en 2018. Un chiffre en augmentation. L'américain Google va notamment injecter 200 millions d'euros sur le site de Beaudour. Le britannique Innovin va lui dépenser 100 millions sur son site de Gemep. Au final, ce sont plus de 2700 emplois qui devraient être créés au sud du pays. Aux États-Unis, c'est toujours le blocage pour les administrations. Le président Donald Trump a d'ailleurs campé sur ses positions. Il a déclaré ne pas voir d'issue possible au shutdown, si ce n'est la construction de son mur à la frontière mexicaine. Les démocrates s'opposent toujours à ce mur promis par Donald Trump depuis sa campagne présidentielle. Les démocrates l'ont accusé de plonger les États-Unis dans le chaos. Enfin, en football, on joue ce soir la 21e journée de championnat. En tête d'affiche, le derby wallon entre Charleroi et le Standard, mais aussi Genk qui reçoit la Gantoise. L'info énergie. C'est une info un petit peu plus légère après l'actu de 7h30. On parle de quoi ce matin ? On va parler de l'acteur américain Tom Hanks, une star hollywoodienne évidemment. L'acteur a été aperçu récemment dans un fast-food, tranquillement, avec sa famille en train de manger des burgers. Sauf qu'il a été dérangé par tous les fans qui étaient présents dans le fast-food. Mais l'acteur a plutôt bien pris les choses, puisqu'il a pris des selfies avec tout le monde. Et alors, il a pris l'initiative, il a offert même le repas à tout le monde. Et bien. Et il y a plein de gens qui ont partagé les photos sur les réseaux sociaux. Ça a fait le buzz aux États-Unis. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est hyper sympa d'acteur. Ah, je retrouve lui avoir pareil. Moi, j'ai juste rencontré une star au McDo à Paris. C'était, c'était Magali Vahe. Celle de la Starac, elle m'a rien payé. Ça, je peux te le dire. Ça t'a choqué cette journée, non? Oui, ça m'a choqué. Mais je ne sais pas pourquoi ce qu'elle était au McDonald's. Je me demande encore. Je ne sais pas. Non, mais je me permets de le dire, évidemment, puisque moi aussi, j'y vais, évidemment. Merci beaucoup pour cette actu, Yannick. Et on se retrouve à 8h. À 8h. En période de gel, j'en profite pour dégivrer mon congèle. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. Be more normal. Bum, bum.

matinée, bon réveil, frottez bien si vous êtes sous la douche. Le retour de la playlist pour vous arrive. Et je fais un coucou à Julien qui m'a envoyé un message sur la page Facebook Énergie Belgique. Il est au boulot déjà lui depuis une demi-heure et il en profite d'ailleurs qu'il n'y ait personne au bureau pour mettre Énergie à fond. Et ben voilà, il a bien raison. Faites pareil aussi de l'autre côté de la radio, vous allez voir, la journée passera encore mieux. C'est parfait pour vous. Maroon 5 et Post Malone, et puis on va faire un point sur l'info trafic aussi. Très vite. C'est le retour de la playlist Énergie. Chez Colruyt, vous êtes certain de profiter des meilleurs prix, même quand d'autres magasins font des promos. Nos clients témoignent. Dans un autre magasin, il y a une promo, et à ce moment-là, la machine se met en route, il n'y a pas de souci. Colruyt va descendre son prix sur le produit, quel que soit le magasin d'où ça vient. C'est de toute façon moins cher, donc voilà, je ne peux que faire confiance comme ça. Colruyt réagit et met le même prix. Quand la confiance est là, ben on revient. Hein. Colruyt suit toutes les promos des autres magasins et adapte ses prix. Colruyt, les meilleurs prix, pour chaque produit, à chaque instant. Ah, l'hiver. Rien de tel que l'arôme du café quand il gèle. Sauf peut-être le parfum de votre nouvelle Opel avec intérieur cuir. Alors profitez dès maintenant de conditions salon sur toute la gamme Opel lors des deals d'hiver Opel. Surfez vite sur opel.be. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Le homard et le saumon entier ont toujours priorité. Normal, ils sont en promotion chez Intermarché. Énergie. Info trafic. Tiens Yannick, tire mon doigt. Non. Vas-y. Non, je préfère pas. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Voilà, ça bloque apparemment sur les routes. Oui, on signale un accident. La voie de droite est bloquée sur la E429 de Tournai à Bruxelles. Un obstacle encombrant également sur une partie de la chaussée sur la E403 de Courtrai à Tournai, à Estampuis précisément. Généralement, la blague du tire mon doigt, c'est pas ce bruit-là, c'est autre chose. Non, il y a une odeur avec. whispered goodbye. She got on a plane, never to return again. Avec nous sur Énergie, il est 7h55. On va écouter Camila Cabello dans un instant. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, Camila Cabello. Je regardais sur internet, sur son compte Instagram. Et c'est là que je me dis qu'en fait, j'aurais jamais, mais jamais la chance d'avoir une fille comme ça. C'est incroyable. On va la diffuser dans quelques secondes dans votre playlist Énergie. Ça, c'est parfait pour se réveiller, débuter la journée du mercredi. Je vous la passe, à tout de suite sur Énergie et on se retrouve juste avant les infos. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit aux meilleures fêtes. Surtout ceux qui ont envie de continuer la fête bien après les 12 coups de minuit. Pas de problème, Carrefour double vos réserves de champagne. Jusqu'à lundi, le champagne Charles Lafitte premier cru est en une bouteille plus une gratuite. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Tous vos hypermarchés Carrefour et plus de 600 Carrefour Market et Express sont ouverts ce dimanche jusqu'à 19h. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Love me tonight. Your body's a mind, body's a mind. I got words on my mind, words on my mind. Listen to the cruel echoing, following the mood that's flowing. Yeah, we're like a wave that's growing into a song so loud, I gotta get it down. Action 2 plus 1 gratuit sur le Prosecco Riccadonna, soit 5,99€ la bouteille. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, à déguster avec sagesse. On connaît tous la tradition de Noël ici chez nous, en tout cas en Belgique. C'est le Père Noël qui amène les cadeaux. Alors en Catalogne, pas du tout. Je viens d'apprendre que les cadeaux n'arrivent pas dans la hotte du Père Noël. Mais en fait, ils sortent d'une bûche qui fait caca des cadeaux. Je vous promets que c'est vrai. C'est la tradition en Catalogne, ça s'appelle cagatillo. J'espère qu'il ne faut pas la paella juste après. Dans un instant, Liam Payne et Camila Cabello. La météo est froide aujourd'hui au soir, la doudoune. Ouais, c'est ça, il fait un petit peu gris ce matin. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé. Il ne fera pas chaud, comme tu l'as dit. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés.

consequences. You do the calypso. An intro is all that I need. Oh yeah. Y empiezo primero. Tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy pa' ti. Oh, the baseline in real life, don't wanna know first time. Cause great minds, they think just the same. Hey, yeah, you said like a rock doll, a model or some kind of bottle. We'll pour up, cause I wanna taste the taste. Y nos familiaricemos. Un poco de química y el party prendemos. Olvida la crítica si nos entendemos. ¿Qué tú crees si en tu mente no me vemos? Señorita, ¿qué necesitas? Sería mucho mejor si participas. Así de lejos no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete. Sí. Can we get jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. S'arrêter un instant, enlever le gris des couleurs, des sentiments. Envie de parcourir la terre, à

write your name upon me. I put it in my wallet, hoping I see your face again. Care, die for my respect. Life, we gon' live it up. Neck, we gon' glitter it up. Dice game, get em, girl. Gon' bet it up. Grind and invest it. Invest, play the main role, not the extras. Made movies like Netflix. Never domestic. Watching the necklace. Young and the restless. You know who the best is. Three-quarter Gucci Mane with the first shoe. Got a girl and the girl got a girl too. Hit me with the fab like put it in the bag. Pull up with my new tank like I know she mad. Vacances tout le monde, à tous les concernés, c'est justement le 6-9 des vacances. Je m'appelle Dylan, je remplace Marco, Frisco et Jérém, toute la team du 6-9 qui, elle, sera de retour le 7 janvier, entre 6h et 9h sur Énergie. 32 ans et toujours aussi magnifique. Je parle de Lady Gaga. Je vais vous la passer dans un instant, le temps pour moi de vous rappeler que le 31 décembre, événement sur la chaîne télé Energy Hits, qui est dispo hein, sur Orange, SFR, vous, Proximus aussi. On va retransmettre le 31 décembre, avant de passer en 2019, les Energy Music Tour de Liège et de la Louvière. Le rendez-vous est pris donc pendant la soirée du 31 décembre, avant de passer en 2019. Rendez-vous sur Energy Hits TV. Young money, hand on your hand, chest on your chest, tangled in bed, but I'm feeling you less. You know my love ain't free, why do you make believe? Why do you sell me dreams? SMS in the morning light. We gotta fence it. The fire no longer blessing. I woke up on the wrong side of ya. You don't don't even know that I left, do ya? Can't handle my love, can't handle your lies. No friends, all to my love, we're burning all of my time. Vous débutez la journée et la semaine peut-être en mode mercredi. C'est toujours, c'est vrai, un petit peu difficile de sortir du jour férié. Bon courage tout le monde. Voici la météo pour aujourd'hui. Il fera un petit peu gris ce matin, mais le temps deviendra calme et assez ensoleillé en cours de journée. Il devrait y avoir par contre un petit peu de nuages également cet après-midi. Il fera froid, les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés. Il est 8h, passé de 31 minutes, la radio que vous écoutez s'appelle Énergie. Belle matinée, mercredi 26 décembre, voici l'actu. Bonjour Yannick. Bonjour Dylan, bonjour à tous. La Wallonie a réussi à attirer plus d'un milliard d'investissements étrangers en 2018. Un chiffre en augmentation. L'américain Google va notamment injecter 200 millions d'euros sur le site de Beaudour. Le britannique Innovin va lui dépenser 100 millions sur son site de Jemep. Au final, ce sont plus de 2700 emplois qui devraient être créés au sud du pays. Le système des allocations familiales va changer en Wallonie et à Bruxelles. Dès le 1er janvier 2019, ce seront les régions et non plus le fédéral qui géreront les allocations. C'est donc le domicile de l'enfant qui déterminera le montant de l'allocation. D'après les autorités, le système sera plus transparent et plus juste. Le ministre de l'Intérieur, Yann Niambon, a fait passer un arrêté royal, un arrêté validé juste avant que le gouvernement ne démissionne. Celui-ci permet à la police de multiplier les caméras de surveillance. Désormais, tout rassemblement à risque pourra être filmé par des caméras et être suivi en direct par les forces de l'ordre. De nouvelles manifestations sont prévues par les Gilets jaunes samedi prochain. Il s'agira de la 5e semaine consécutive que les Gilets jaunes se réunissent. Bruxelles devrait être encore concernée. D'autres Gilets jaunes annoncent quant à eux leur volonté de manifester dans les rues à Namur. Les organisateurs de la manifestation ne semblent cependant pas vouloir indiquer le lieu et l'heure exacte du rassemblement. Enfin, football. Ce soir, on joue la 21e journée de championnat. En tête d'affiche, le derby wallon entre Charleroi et le Standard. Mais aussi Genk qui reçoit la Gantoise. Merci beaucoup Yannick. Prochain tour de l'actu, c'est à quelle heure? Eh ben, c'est demain. Ah bah oui, c'est demain. Voilà. Je suis bête. À 6h30. Allez, bonne journée Yannick. Ciao. Merci. En période de gel, j'en profite pour dégivrer mon congèle. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. So hardcore, I'm falling. Sometimes I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Con lo mío todo se mueve. La fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes. Mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena. Empezamos a subir de nivel. Y toda mi gente se mueve. La fiesta la llevo en mis genes. Soy la reina de los nenes. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, Houston, freeze. J Balvin, Willy William, Beyoncé, freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mucho. No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y piano. ¿Y dónde está mi gigante? Me fue a bouger la tête. Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. They say my body's staying wetter than the ocean. And they say that Creole in my body's like a potion. I can be a beast or I can give you emotion. But please don't question my devotion. I've been giving birth on these haters cause I'm fertile. See these double C's on his back, murder. One more double D's in his bed, certain. If you really love me, make an album about me, word up. As I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway. Slay. Oh. Lift up your people. Texas, Puerto Rico, Milan to Mexico. ¿Y dónde está mi gigante? Yeah, yeah, yeah. Me fue a bouger la tête. Yeah, yeah, yeah. ¿Y dónde está mi gigante? Yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. botellas para arriba, sí. Mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere. ¿Y dónde está mi gente? Me fabuche la tête. Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, oh, yes, Lego. And we start each other's fires. We just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody. We're the ones they wanna be like. So don't. Too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag poppin', then you wanna bribe me. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be so. Énergie et vous avez bien fait. C'est la radio officielle des vacances et justement, moi je passe mes deux semaines de vacances avec vous en direct de 6h à 9h. C'est donc le 6-9 des vacances. Et ça, c'est un hit à mettre à fond à 8h42 de Prince Karma sur Énergie. Avant de retrouver la playlist partagée, c'est vous qui allez décider quel hit on va entendre à la radio. Ça, ce sera à partir de 9h. A tout de suite. Très vite. La playlist énergie. C'est le retour de la playlist énergie. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit aux meilleures fêtes. Surtout ceux qui ne savent pas cuisiner. Comme moi. Alors, on vous propose nos huîtres creuses filière qualité Carrefour. Il suffit de les ouvrir pour que tout le monde se régale. Hey, c'est moi qui les ai ouvertes, hein. Et jusqu'à lundi, nos huîtres creuses de Marraine Oléron filière qualité Carrefour sont en 6 plus 6 gratuites. Carrefour, on a tous droit aux meilleurs. Tous vos hypermarchés Carrefour et plus de 600 Carrefour Market et Express sont ouverts ce dimanche jusqu'à 19h. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Oh, moi, c'est pour leur champagne que Mère Noël adore. Ah, ça tombe bien, Père Noël. Le champagne Delagny Fils, brut ou demi-sec, est en 1 plus 1 gratuit avec la carte Intermarché. 1 plus 1 gratuit? Pour un champagne de qualité, il revient à 9,99€ la bouteille. Intermarché, avec vous pour des fêtes moins chères. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Les escargots ne sont pas sur la route, mais en rayon et en promotion chez Intermarché. Sánchez. Everybody circling as vultures, negative nepotists. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Egotistical, don't wanna be the parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more.

t'appelles bébé, tu décolles. Quand elle te répond plus, tu t'étonnes. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est conne. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Fallait pas tout donner, sois pas étonné. Elle t'a tout volé, ton ego, ton cœur, ton porte-monnaie. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. T'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. Tu penses qu'à elle toute la soirée. Tu penses qu'à elle, donc tu t'amuses plus. Même tes potos te reconnaissent plus. Y'a que barman qui t'encaisse plus. À croire sur terre, il n'en reste qu'à aller. Toi ici, laisse-les passer leur soirée. Pourtant t'es belle, c'est ballon. T'as mis tes plus beaux talents. Mais ça suffit plus. Maintenant ce qu'ils te souhaitent, c'est que du malheur. Gros talent. You really look the part, reach right out. You got my heart, now take it.

I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me. When I say it only happened once, I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love, oh yeah. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Was it real or just for show? Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know, how long has this been going on?" Et j'espère que votre 25 décembre s'est bien passé. Hein. En tout cas, moi, c'est nickel. Et je reviens avec plein de cadeaux et plein de kilos en trop aussi. Ça, c'est moins drôle, par contre. Votre playlist Énergie, elle continue pour perdre des kilos, justement, avec deux Belges qu'on adore, Loïc Noté. Et là, c'est Alexandre Louf. Tout cru. Si tu flanches à la vue d'un bout de tissu, si à mater mon cul, tu perds la raison. Revoyons du début quand je dis non, c'est non. Oublie-moi et bye bye, tes mains déplacées. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non, mais t'as. Peut-être que t'avais tous les droits. T'as quitté la planète, gâché la fête, car mon corps est en moi. C'est comme ça qu'on va traiter ta sœur, ta sœur. Et ta fille, ta fille. Et ta mère, ta mère. Toutes celles qui sont les seules. T'as pas.